Son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Espace sans mesure, Antitube, Pêche, programme d'encadrement clinique et d'hébergement, La Rotonde, Société de la Rivière Saint-Charles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Bonsoir les amis, vous êtes à l'émission Terra Incognita de 22h à minuit et on est toujours en compagnie de Bruno Côté à la mise en onde. Bonsoir Bruno. Et de France Carrier. Bonjour. Et de moi-même Jean-François à l'animation. Et bien, c'est la première émission du mois de février 2020 et c'est pas croyable quand on pense à ça, hein, parce que le mois de janvier est passé à une vitesse folle, c'est incroyable. On était là il y a 4 semaines et il me semble que ça fait pas si longtemps. Ben oui, bon, on est venu faire un petit tour la semaine passée. Il y a deux semaines, oui, c'est ça. Non, mais c'est pour dire que le mois de janvier a passé tellement vite que faut dire que l'hiver est relativement clément. Eh bien, il s'est passé quand même pas mal de choses depuis le début janvier, depuis la dernière émission, entre autres des événements tristes, comme le décès de Neil Peart. Il y a eu des spéciaux qui ont été faits. Là, c'est une nouvelle qui nous a assommés un peu. Moi, je pensais à une fake news, tellement j'ai été abasourdi par la nouvelle. Je pense que ça a été le cas de tout le monde. Bien sûr. Hein, mais combattait un cancer, faisait 3 ans. Que... Oui, mais disons qu'il n'avait pas fait beaucoup de publicité là-dessus. Non, on ne pensait pas trop à ça. Puis ben là, la nouvelle nous a assommés. Pour moi qui connais Rush là, depuis le milieu des années 70, en fait, depuis Flight by Night, et la consécration est venue avec l'album Moving Picture, là, où vraiment ils se sont fait connaître là, d'à peu près tous les publics. Et bon, ben, on cherchera à souligner ça un petit peu aussi dans les prochaines semaines, là, mais on ne fera pas ça ce soir. Et pour du côté des bonnes nouvelles, ben, on va en parler un petit peu plus tard, mais Big Big Train. Ben oui. Annonce mon show. Ben non, vas-y. Ben non, c'est ça, une belle annonce qu'on a eue là, 2 semaines, Big Big Train. Et en première partie, Ease, le 13 mai. Donc, c'est un spectacle-événement, là, quand on dit qu'il va y avoir deux grosses pointures comme ça. Ease est bien connu à Québec, et toujours très apprécié. Ils sont venus plusieurs fois. Je crois 4 fois, à ma souvenance. À Terra Incognita. En plus du lancement de Laurent Mead, où ce qu'on retrouvait presque la moitié du groupe. Oui. Et on peut dire qu'ils sont très bien connus à Québec et ils sont très bien cotés aussi. C'est toujours un spectacle qui est très apprécié. Donc, Big Big Train, on en parlera plus quand on fera l'énumération des concerts. Mais pour l'instant, ben on a quelque chose de nouveau. On a le nouveau minimum vital que France a fait venir directement de chez Muséa. Ben oui, je me suis gâté. Ben oui, ça s'appelle Air Caravan. Et la pièce qu'on entend, c'est Tarentelle. Et à peu près tout l'album est dans une mouvance, là, je dirais, très médiévale. comme ils ont l'habitude de nous faire ça, ben, il avait été un petit peu dans le latino, là, avec Esprit d'amour, là, puis des albums comme ça, là, mais là, ils sont revenus un peu à la source, là, de l'époque de Sarabande. Il n'y a pas trop de zeul pour ceux-là qui aiment... Du zeul? Du zeul. Il n'y a pas de zeul là-dedans? Oui, un petit peu. Ben, pas du tout. C'est... Un petit peu. C'est Magma qui fait du zeul. Oui, mais c'est quoi? Ils chantent dans leur, leur langue. Oh, oui, mais une langue inventée comme Magma. Là. Ben, oui. Mais non, c'est pas le même style. C'est, oui, c'est... mais... Oui, c'était avec... j'ai oublié le titre, là. C'était leur deuxième qui était sorti en CD. Là. Bruno, tu t'en rappelles-tu? La source, c'est ça. Donc, La Source, il chantait dans une langue inventée qui ressemblait un petit peu à du portugais. Là. Et bon, on aura aussi Invertigo et une pièce de Big Big Train. Mais là, on y va tout de suite en musique. On vous énumérera ça en détail en venant. We'll be right back. you're so smart because of all the things you learned at school and from the guys that told you how to be cool. You walk around and think it's all at your command, but you're a fool. I tell you there is more to do. Consider what you will do. You can keep telling you that everything's right, but you're a fool. I tell you there is more to do. Hear the raindrops fall down on the leaves on the tree in the rain. Smell the pages of a book while you read.

torrents where nothing is safe. 89.1. C'est KRL. Québec. Premier acte en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec et le collectif Les Reines présente Point ES, chapitre 1, Soi. C'est un peu du théâtre documentaire, avec comme sujet d'enquête nous-mêmes, les comédiennes, et notre relation avec le pouvoir. C'est aussi de l'autofiction. On raconte notre histoire, on se dévoile. On pourrait aussi comparer ça à un essai littéraire. On exprime nos points de vue nuancés, on prend position. On est mieux de dire tout de suite que c'est un projet féministe. Oui. Point ES, chapitre 1, Soi. Du 21 janvier au 8 février à Premier Acte. Informations et billets à premieracte.ca. Vous êtes artiste et vous cherchez un nouveau défi? CKRL vous invite au concours Talent en scène à la Korrigane. Comment peut-on orienter ses forces? Musique, chant, poésie, slam, humour, soyez l'un des 26 artistes participants. On plonge dans la création continue de notre propre existence. Vous pourriez gagner un spectacle avec cachet dans la programmation 2020 de la Korrigane, une campagne publicitaire de 1 000 $ à CKRL, une session live enregistrée, une séance photo professionnelle et même 500 $ échangeables en temps de studio d'enregistrement. Et ça, c'est quand même assez magnifique. Inscription en tout temps sur ckrl.qc.ca. C'est exactement ça. C'était Big Big Train avec un extrait de Grand Tour, ça s'appelle De Florentine. On devait... C'était précédé de In Vertigo, un groupe allemand. Un nouvel album qui s'appelle In Motion. On a entendu la pièce Listen to the Smell of the Pretty Picture. J'imagine que vous l'avez deviné parce qu'il le répète à plusieurs reprises. Et on avait débuté avec Tarentelle sur le nouvel album de Minimum Vital qui est sorti en début d'année, là, au début janvier. Il est sorti au mois de décembre? Oui. Ah ben, j'étais en train de dire démentir. Et donc, c'était Minimum Vital. Et là, on va parler de concert. Allons-y. On l'a fait un petit peu en première partie, mais là, on va faire ça de façon plus formelle. Je vais enlever mes lunettes pour lire. Ben oui. Bon, ben le festival qui s'en vient dans une couple de mois, ça va aller très vite. Ouais. Fait que c'est le 15, 16 et 17 mai. Fait que le 15 mai, on commence par 35 Tapes avec et Anecdoten. Le samedi 16 mai, Is Project, Syntonia d'Historia, Professeur Tip Top et Anecdoten. Le dimanche, c'est Is Project, Ed With Wing. J'ai jamais été capable de le prononcer. C'est le groupe italien de Francesca Zanetta. Et pour terminer le festival, c'est la Machera di Sera. Ensuite, le 8 février, c'est au Théâtre de la Cité universitaire, le groupe Kings qui rend hommage à Marion, c'est la période Hogarth. Le groupe Script, la période Fish. Ensuite, je vais essayer de me relire. Le 20 mars, c'est Dwizzle Zappa au Palais Montcalm. Ensuite, le 21 mars, Pock Story au Théâtre de la Cité universitaire. Le 26 mars, c'est le lancement du troisième album de Inner Odyssey au d'Auteuil. Ensuite, le 3 avril, à l'Auditorium des Jardins, c'est The Flower King. Le 9 mai, au Théâtre de la Cité universitaire, c'est Pendragon. Le 13 mai, Big Big Train. Et en première partie, c'est Ease. Et 10 et 11 avril, c'est Stickman au Palais Montcalm, mais c'est complet les deux soirs. C'est la petite salle, par exemple. OK. Oui, une petite salle intime. Ouais. Oui. On avait vu Eddie Jobson. Et pour poursuivre en musique, ça va être le groupe Evership. Leur album s'appelle Evership 2. Et moi, je ne reconnais pas tellement ce groupe-là là-dedans qui sonnait un peu Genesis. Là. On va entendre un extrait. Et c'est plus rock. On parle même un peu tendance à la Led Zeppelin. Oui, c'est plus comme ça. Ça serait, ben, pour rester un petit peu dans le même mood, on va entendre un autre extrait de Sons of Apollo. Et là, ça sera un cover cette fois. Il y a un disque complet de cover là-dessus. Là. Ça sera, ben, je vous le dirai après. Et il y aura un autre groupe qu'on vous nommera plus tard. Oh.

KRL. Le groupe légendaire Green Day est de retour avec leur très anticipé nouvel album Father of All, inclus Fire, Ready, Aim. Et la chanson-titre Father of All. Green Day, le nouvel album Father of All, disponible partout. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Gabriel de la succursale du Vieux-Québec vous suggère Orange amère de Anne Patchette chez Actes Sud. Par son style évocateur, subtil et un brin méta, l'écrivaine signe ici l'un de mes gros coups de cœur de l'année. Orange amère m'a fait perdre quelques nuits de sommeil et je parie qu'il en sera de même pour vous. Et Joël de la succursale de Loretteville vous propose « Pas pressé » de Lily Pinsonneau aux éditions Québec-Amérique. La plume, aussi sensible que frappante de l'autrice, nous amène à ne vouloir que le meilleur pour sa protagoniste. « Pas pressé » est un livre qui réchauffe le cœur. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, à visiter dans le Vieux-Québec, à Saint-Roch et à Loretteville. CKRL vous propose une série d'émissions sur des sujets variés, animés par des spécialistes et des passionnés. Jean Nadeau nous convie au développement personnel, à l'amélioration et à la connaissance de soi. Pas de temps à perdre, le mercredi, 9h. Et le groupe mystère, c'était Duran Faux. C'est un groupe anglais. Leur album s'appelle Some of Erda. On a entendu First Light. Et juste avant, c'était Sons of Apollo. L'album s'appelle Live with the Plovdiv Psychotic Orchestra. On a entendu, je pense que vous avez reconnu comme Fortablenum de Pink Floyd. Et avant, c'est... Oui? En parlant de Pink Floyd, j'ai oublié de mentionner... Il est trop tard. Il est trop tard. Roger Waters au Centre Vidéotron le 21 juillet. Bon, c'est dit. Et on avait débuté avec le groupe américain Evership, qui, je ne sais pas pour tout l'album, là, mais ça s'appelle Evership 2. La pièce qu'on a entendue, c'est Isles on the Broken Tree. Et ça sonnait possiblement à Led Zeppelin. Hein. Ils ont l'habitude de faire un prog assez classique. Mais cette pièce-là, c'est un extrait, là, parce que ça dure une vingtaine de minutes là, dans sa version complète. Et ben, on va poursuivre avec Dave Kersner, qui est un peu partout. Lui, il a toutes sortes de projets. Et là, ben, il a décidé de faire comme un temps d'arrêt, si on veut. L'album s'appelle Breakdown a Compilation 1995-2019. Donc, on retrouve à peu près tous ses projets là-dedans, dont sa carrière solo, là. Et il y a des extraits de New World, mais souvent c'est des versions alternatives. Des fois, c'est des versions en concert qui proviennent de son album Static Live. Il y a aussi des choses qui viennent de tous ses albums solo, mais il y a aussi In Continuum. Il y a des extraits de Mantra Vega. Donc, c'est une compilation qui est intéressante si vous n'avez pas grand-chose de lui. Il y a quand même des détails là, sur qui joue là-dessus. On retrouve entre autres Nick DiVirgilio, Marco Minneman, Steve Hackett, Francis Donnery, Edda Finley. Donc, énormément de monde là, qui ont participé à ces différents projets. Donc, on va entendre une version 2019 de Paranoia qui est en bonus track sur Static Live. Et après ça, ben, il va y avoir The Flower King, qu'on verra très bientôt. J'ai pas retenu la date. Il est trop tard. Il est trop tard. Bon, on verra en temps voulu. C'est un album qui est sorti dans les derniers mois. Ça s'appelle Waiting for a Miracle, qui a été très bien accueilli. Et un autre qui a été très bien accueilli, c'est Leprous. Donc, on va entendre un extrait de Pitfalls. C'est le 3 avril, Flower King. Bon, pas de rancune. Thank you.

black smoke rising. We just boarded another schooner, looking dead straight at me. You'll never feel that much alive. There's nothing like a clean good fight. Meet the kings of the open water, leaving nothing but no one there. That thunder is a lie from the.

CKRL. Quel match! Quel match! Vous voulez tout savoir sur les Remparts, le Rouge et Or, les Capitales, le sport scolaire et professionnel. Première loge du sport est votre rendez-vous sportif au 89.1. Et le but! Au menu, résultats, analyses et entrevues. Ici Dominique Girard, en compagnie de mes différents chroniqueurs, je vous donne rendez-vous chaque mardi dès 15h30, Première Loge Sport. Cette émission vous est présentée par Alimentex, épicerie certifiée biologique avec produits de santé naturelle à Québec. 1188 Première Avenue Limoilou, 418-529-7988. Alimentex.ca. Vous avez besoin d'une vidéo. Hugo Dufour Productions peut vous aider à atteindre vos objectifs, que vous soyez une entreprise ou un créateur. Hugo Dufour Productions filme, monte, mixe et planifie une stratégie de diffusion avec vous, selon vos besoins et surtout votre budget. Vous ne savez pas par où commencer? Faites confiance à Hugo Dufour Productions, vidéaste officiel de CKRL, qui vous guidera étape par étape. Rendez-vous sur hugodufour.com pour discuter de votre projet avec lui. Cette semaine en nouveauté au cinéma de Place Sainte-Foy, la comédie française présente Les Fourberies de Scapin, Rebelles, Rêves de jeunesse, Le Rire, Varda Paragnès et Vie invisible d'Eurydice Gusmao. Et au Clap Loretteville, la comédie française présente Les Fourberies de Scapin et Rebelles. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma! C'était le groupe Les Prousses qui a impressionné beaucoup de monde cette année avec leur album Pitfall. Je pense qu'on en a entendu parler, hein, on a vu ça un peu partout. Et nous autres, on a déjà mis un extrait. Là, cette fois-ci, c'était The Sky is Red. C'est une des très bonnes pièces de ce disque-là. Juste avant, c'était Les Flower King avec Black Flag, extrait de Waiting for Miracles. On avait débuté avec Dave Kirshner. Un extrait de Breakdown Compilation 1995-2019. Et c'était la pièce Paranoia. Et ben, on va poursuivre avec un extrait du progressiste, du sampler progressiste numéro 98. Et c'est le groupe Galahad. Si je me souviens bien, Marc en avait mis un extrait quand c'est sorti il y a quelques mois. C'est un album qui s'appelle Frater. Et le E est représenté par un 3, parce que c'est le troisième, et ça se fait après 23 ans d'absence. Et dans l'interview, un long interview que Progressis a fait avec le groupe, ben, il est question des raisons qui ont retardé, parce qu'il y a eu une reformation, parce qu'il était vraiment séparé. Il disait que le staff avait changé puis que les choses n'étaient plus possibles. Ils reviennent aussi sur le fait qu'ils avaient joué des extraits de Fugazi avec des membres de Marillion. Et il y a une anecdote aussi, parce que Galahad, c'est pas le Galahad anglais. C'est le Galahad français? Suisse. Suisse, celle-là? Chante en français. Chante en français, c'est ça. Et peut-être pas sur toutes les pièces, là, mais ils ont déjà été confondus, oui, avec le groupe Galahad, qu'on connaît bien à Québec, là, parce qu'on les a vus deux fois à Québec. Ils ne s'écrivent pas pareil. Non, ça ne s'écrit pas pareil, parce que c'est G-A-L-A-A-D. Il disait qu'il y avait quelqu'un qui avait commandé le disque de... un fan du Galahad anglais là, qui avait commandé leur album, puis il s'est aperçu de son erreur, mais il était tellement fou d'album qu'il était bien content de son erreur, parce que ça lui faisait un nouveau groupe. Donc, on va entendre la pièce Stone de Galahad, et ensuite, ce sera un autre extrait de Progressis, c'est Sessione Fresente. Ce sera un extrait là, du dernier album de ce groupe-là. Sacrifice nécessaire, on échange. spécial, effet garanti. À l'ordre de mon époque, à cette conscience si droite qui modélise nos âmes, je déclare la guerre. Parmi les arbres et les pierres, dans la nature tout est vert, je sens la lutte au fond de moi qui devrait cesser, je crois. C'est dur de

trascorrono in memore. Di un primo vagito di luce, di un globo splendente che vita gli dà. È nata una stella, non è la più bella, e lo spazio illuminerà. Davanti ai tuoi occhi incantati, un'enorme giostra a catene che va. Dalle sorelle maggiori accolta con tutta la sua energia. Oh, ça couperait d'un petit peu, hein? C'est un extrait qui vient du site de Progressis. Donc, c'était Sessione Frenante Nuove Dimensioni. On a entendu la pièce Enata Una Stella. Et c'était un extrait, comme je vous ai dit. Et juste avant, c'était Galahad de leur album Frater. On a entendu la pièce Stone. Ben, c'est déjà presque tout pour en ce qui nous concerne. Mais restez à l'écoute parce que Stéphane Villeneuve est là pour l'émission L'Autoroute. Et ça va être la plus grande partie de la nuit. Et pour terminer, on y va avec un groupe qui s'appelle Druid. C'est pour histoire de faire le lien avec L'Autoroute. C'est un groupe de 1975 qui avait pondu deux albums en 75 et 76. Et ben là, ils se sont rendus compte que c'est les temps étaient difficiles pour les groupes prog. Donc, l'album s'appelle Toward the Sun. On va entendre la pièce Voices. Et donc, restez à l'écoute pour l'émission L'Autoroute. Et nous, on revient la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. La semaine prochaine? L'émission Terra Incognita. Thank you. still believe our dreams in the morning as the sun shines day upon the ground, as the shadows of the night that's all our witness are retreating to the sun. Cette émission est disponible en balado-diffusion. CKRL. Communication. Culture. The city's on fire. Theory of a Dead Man. Plusieurs fois certifié platine, est de retour avec un nouvel album, C'est Nothing. Until then, please stay strong. The city.